Let's go. Et oui, c'est parti. Après 14 feintes pour Martin pour lancer l'enregistreur, c'est débuté. Je t'entends pas micro dans, dans mes oreilles. Oh bah tiens, c'est un classique ça. Ah, c'est bon, ça remonte. Le classique de Martin qui m'entend pas, vous l'avez devant vous. Un épisode sur deux. Pyro, j'entends pas. Allez, c'est parti, générique. Yeah. Il ne reste plus que quelques places pour l'épisode 28. Boy, rocket. Okay. 28, motherfucker. Bonjour Martin. Bonjour Pyro. Comment ça va? Ma foi, très bien pour cet épisode en particulier, car nous sommes ni assis dans un troquet, ni sur un banc. Effectivement. Pourquoi qu'est-ce? Parce qu'il commence à faire nuit tôt. Il commence à mettre le micro, il va y aller plus fort le micro dans les oreilles. Tu vois, j'avais pas si tard, j'avais si tort. Il commence à me prendre par le callback. Yes. Et parce qu'il commence à faire tard, il fait nuit tôt, il fait froid. Et on essaye d'être régulier maintenant tous les mois à faire une émission. Donc vous les avez pas en diffusion tout de suite parce qu'on a un petit bug technique et qui est malgré nous, le site où on met les choses se fait pirater. Mais bref, nous sommes réguliers tous les mois pour avoir un contenu de qualité, ça c'est sûr et certain. Mais ça, en tout cas, tous les mois, et ben, on est là. Voilà, ça fait 3 fois que je dis tous les mois. Ouais, c'est un peu le retour du fil rouge, quoi. C'est comme si on recommençait l'épisode 3 ou 4. Voilà. Voilà. On revient aux bases même en fait. La régularité, la disponibilité, tout l'écoute. À fait. Et donc là, Martin était par Mons et par Vaux, comme d'habitude. Exact. Trop de Mons, de Vaux. Et on a fixé ce rendez-vous une semaine avant maintenant. C'est ça. Moi, dans mon calendrier du travail, j'ai tous les mois banc et troquet. Donc je sais qu'il y a un mois, on l'a. Donc je vois une semaine avant, je fais OK, je dois dire à Martin, on prend rendez-vous. On remercie Pierrot pour cette initiative, tout à son honneur. Bah, c'est juste pour ne pas oublier pour moi aussi. Hein. Non, mais c'est bien, j'en profite en fait. Exact. Je mets un cadre sur cette émission où on avait zéro cadre. Et donc, on a couru à droite, à gauche. On n'a jamais eu de cadre dans cette émission. Eh non, on n'a pas de cadre. Ni patron, ni maître, ni cadre dans cette entreprise. Et donc, on devait le faire sur un banc. Ouais, que tu avais sélectionné via Street View quand même. Street View, exactement. Peut-être Pierrot, qu'on y retourne, hein. Street View, les bancs de la métropole lilloise, quoi. Bah ouais, parce que c'était vers Fives normalement. Et Fives, je me suis dit, c'est bruyant avec les pavés sur la place de Fives. Donc j'ai regardé à droite à gauche s'il y avait des bancs. Il y a un parc pour enfants aussi. Ok. Pas très loin, qui aurait pu être bien. Mais quand il commence à faire nuit, ça fait bizarre. Hein. Ouais, c'est vrai que là on est bien. Hein. Là, tu vois, c'est un confort qu'on n'a jamais eu en fait. On est accoudé à une table, quoi. Oui, parce que maintenant on va vous dire où on est. On est chez Martin. Exact, on est chez moi. On a déjà fait une fois chez toi, tu me le disais en intro. Rappelez-vous l'épisode de 8. Et en fait, c'était dans la cuisine de Martin. Et là, on est à nouveau dans la cuisine de Martin, mais dans sa nouvelle demeure. Exact. On dira pas où, hein. Non. Pour pas que les fans viennent taper à ta porte. Paris 19e, en fait. Exact, voilà. Exact. On est bien. Hein. Mm. Après, on va prendre un petit café, quoi. Mm. Après, c'est un super bar que je connais, en fait. On va aller au bord de Seine. Oh, wow. Au canal. Au canal de l'Ourcq. Hein. On va faire une pétanque. Ouais. De nuit, hein, parce qu'en fait, c'est trop agréable. Hein. Mm-hmm. J'ai des boules lumineuses, en fait. Oh, wow. Et puis, une petite bouteille de champagne. Bon, comme d'hab, quoi. Week-end. Wow. Wouhou, ça me fait pas mal. Moi, il n'y a que le champagne qui fait pas mal à la tête. Du bon champagne. En fait, il faut mettre le prix. Si mais oui, pas, mais oui. Attends. Voilà. Attends. Oh. Si tu commences à pas mettre le prix, bah, ne bois pas. Exact. Et c'est pour ça qu'on a une dégustation aujourd'hui. Alors, qu'est-ce que c'est, Martin? Qu'est-ce que tu nous as prévu cette fois-ci, cette dégustation? Qu'est-ce que c'est? Alors, qu'est-ce que c'est? C'est toute une histoire. C'est que j'étais invité à la condition publique pour un salon de musique. Et là-bas, il y avait des Belges qui ont organisé un pot et qui nous ont ramené du coup des bières, full bière. Donc, c'était un bar 100% bière. Et là, c'est une brasserie que Pierre connaît, l'Ermitage, à Bruxelles. Ouais. Très bonne brasserie, apparemment. Moi, j'ai goûté. Et voilà, l'image est belle. Il y a un logo avec un petit bonnet, avec un petit chapeau, une salopette. Ouais, ouais, et on a envie de la boire, quoi. Ouais, c'est super. Elles sont bonnes. La DA, la direction artistique. Elle est cool. Elle est cool. Ouais. On a envie d'avoir des t-shirts. J'ai un t-shirt, tellement je suis fan de cette brasserie. Et quand j'ai bu des coups là-bas, en plus, les bières, elles n'étaient pas si chères. Donc tu bois du nectar. Ah bah là, c'était gratuit. Hein. Ah ouais, là, c'était gratuit. C'était totalement gratuit. C'est encore meilleur quand c'est gratuit. Ouais. C'est un peu. Mais le personnage, t'as envie de le connaître, quoi. C'est un peu. Je sais pas si tu regardes les animes, mais c'est comme Luffy, le pirate, tu vois, un peu. Ça, c'est One Piece. Ouais. Tu vois, il y a un chapeau de paille. C'est marrant. Allez, dégustation, nous ouvrons. Oh, voilà. ASMR. Oh là là, on y est. Alors, pour vous dire quel jour on est vendredi aussi. Donc, c'est pour ça qu'on se permet ça. On est vendredi, c'est l'apéritif, début du week-end. Il est, on peut même dire l'heure, allez, tiens, comme ça, on est fou. Bah, c'est la before de... C'est quoi des before? C'est une before. 17h50, on pourrait être avec une grosse pinte. Une pinte, en after work. Oui, mais là, c'est en 25, hein, c'est ça qui est chouette aussi. Hein. 33. Bon, bah, je ne connais rien à mon contenant, moi. 33, comment... Attends, les canettes de coca, c'est des 33? Ouais. Putain. Quoi, ça peut être 25 aussi, mais la plupart, c'est 33. Ça peut. Ah bon? Oui, il est petite. Donc, 33, comme disent les Belges, c'est le format roi. C'est vrai ça? Oh, j'aime bien. Et c'est bon. C'est délicieux. C'est 4 degrés. Ça s'appelle soleil. C'est du soleil. Oh là là. Je sais pas si dans une émission de radio on a trop le droit de. L'alcool, faut vous dire des phrases genre. Ah oui, bah oui, bah on est sur RTL. Et alors, on s'en tape, on fait ce qu'on veut. C'est vrai, vous pouvez en boire plein. Vous pouvez en boire plein avec modération. Si vous êtes alcoolique, parlez-en autour de vous. Il faut pas trop boire, c'est quand même pas bon pour la santé. Comme tous les excès, faut pas trop y aller. Et qu'est-ce qu'il nous fait là, Martin? Excusez-moi. Il s'excuse. Non. C'est Kimara. Alors voilà, j'ai un chiot. Voilà. Voilà, vous allez avoir un bon sujet de banc et troquet qui va se parler de ce chien, parce que Martin a adopté un chien. Là, vous entendez le jeu du chien. Voilà. Le chien vient de. Le chien chope tous les torchons qui traînent, et forcément, qu'est-ce que fait? Il a avec sa gueule, il fait. On n'a pas pour longtemps. Voilà, on n'a pas pour longtemps, juste voilà. 40 minutes, le temps de l'émission. C'est bon. Voilà, et c'est un pit. Border collie. Ah, border. Un pit. Je confonds en fait les animaux. Non, c'est un petit border collie de 2 mois et 1 semaine et qui est sage comme une image. Non, ouais, elle est très mignonne. Blanc et noir comme les vaches de Normandie. Exact. C'est vrai ça. Je ne sais pas pourquoi. On dirait qu'elle a des chaussettes. Voilà, c'est comme ça. Ah, ouais, t'es plutôt. Fan. Hein. Tu es fan. Non, mais c'est. Non, je répète ce que les gens disent. C'est pas moi qui ai dit qu'elle avait des chaussettes. Oui, voilà, des petites chaussettes, quoi. C'est des chaussettes. Les chaussettes à l'arrière, c'est des chaussettes d'été, quoi. C'est les petits. Sockets. Sockets, ouais, sans cheville, quoi. Sans pantalon. Ce soir. Ouais, voilà, choper autre chose, hein, Martin. Je sais pas si tu t'en fous. Oui, mais elle a le droit. Hein. Non. Non. Parce que c'est. Bon, c'est pas très grave non plus. Oh, bah, quand elle aura chié dessus, ça sera moins grave. Non, mais elle va pas faire ça. Mais attends, je m'excuse. On n'est pas censé couper cette émission. Voilà, je le savais hein, que ça allait vous se passer comme ça. Moi j'avais dit le chien, on le mange. C'est fini. Oh là là, il est. Là, je peux tout dire, hein. Il est plus là. Je suis là. Hop là, le revoilou, le revoili, avec son chien qui lui tire le pantalon. Et il faut faire non avec une voix de gogol, on t'a dit non. Ah ouais. Non. Ah ouais. Non. Voilà, ça va. C'est juste qu'elle veut que la regarde. Bah ouais. Non. Non. Je suis dans l'éducation positive, du coup, il n'y a pas de. Je dis jamais non. Bah là, c'est marrant, tu disais non. C'est impossible. Je demande à tous d'essayer. C'est impossible. Et il le tape pas, son chien? Non, bah non, je le tape pas et j'essaie de lui dire. Mais pas taper, taper, tu sais, une petite tape sur les fesses. Ah non, c'est non interdit. C'est interdit. Je sais pas, moi, je faisais ça, mon chat. C'est... Non, oui. Non, je vais la calmer, je crois. Calme-toi. C'est fini. Et... Apparemment, il faut ignorer. Voilà, je vais l'ignorer. Alors pourquoi un chien, Martin? Je sais pas. Ça est venu comme ça? Non, on a discuté, mais vite fait avec ma compagne. Genre, je sais pas. Elle m'a dit, ouais, ce serait cool d'avoir un chien. Et, je sais pas. J'étais sur le bon coin. On a vu qu'il y avait des chiens. Et en fait, les gens ils ont dit, bah ils sont dispo, mais là. Et en fait, je sais pas. On s'est fait dépasser par le truc, quoi. Les gens ont dit c'est maintenant, ben on a fait maintenant. Quoi. Bon, puis... Parfois, il faut se faire dépasser. Hein. Non. Après, je suis quelqu'un qui aimait pas, enfin, je connaissais pas les chiens. Et aujourd'hui, je m'amuse beaucoup avec les chiens. Tu vois. J'aime bien courir avec des chiens. J'aime bien. Je sais pas, c'est cool les chiens. C'est plutôt gentil. Quoi. T'as déjà eu un chien dans ta vie? Non, j'ai toujours eu des chats. Ah ouais? Comme toi. Je suis plutôt chat. Bah, j'ai toujours eu des chats dans ma vie. Pourtant, ouais, t'as vécu en maison? Ouais. Ouais, bon, après. Bon. Dans ma famille, ils ont peur des chiens. Ah ouais? Ouais. Ils sont pas du tout chiens. Mon frère, il aime pas les chiens non plus. Ouais. C'est vrai. Bah moi, mon daron aime pas les chiens, mon frère aime pas les chiens. Ah ouais. Mes sœurs, ça va. Ma mère, ça va. Ouais, mais il y a des chiens cool, mais je peux comprendre qu'on ait peur des chiens. Mais en fait, quand tu connais pas un comportement de chien, tu peux vite avoir peur de tout, quoi. Tu vois, des fois, Marine, moi, je l'ai déjà vue en Amérique du Sud. Genre, elle voyait une meute de chiens, elle leur dit, oh, tu vois, ils se calmaient tous, tu vois. Oui, c'est vrai qu'il y a des meutes de chiens là-bas. Tu paniques. Mm-hmm. Elle a fait, waouh, ça suffit, ouais. Et tu sais, les calmer comme ça. Moi, j'étais là, ah ouais, en fait, on peut. Moi, ouais, je fais ça avec les chats, ouais. Des meutes de chats. Ça n'existe pas, les meutes de chats. Ça existe? Je sais pas. Bah, je pense pas, non. Ou c'est des vidéos que tu vois, la meuf, tu sais, tu. Où il y a plein de chats, tu sais, tu ouvres et tu leur donnes à manger, puis il y a de la musique de métal, genre. Et là, il y a plein de chats qui sautent. T'as jamais vu ces vidéos-là? Non, je veux bien que tu me l'envoies. Ah, ouais, tu verras, c'est formidable. Et attends, j'avais. Si tu veux pas qu'elle t'embête, faut pas la regarder. Moi, je la regarde pas, moi, je m'embête pas. C'est pas. Moi, je la regarde comme un chat, tu vois. Moi, je suis un félin, tu vois. Eh, par contre, on fait une émission. Ah, je vais péter un câble. Et je sais pas si les gens, ils entendent les petits bruits qu'elle fait. Je pense pas, mais ça va apporter du, tu vois, du contenu, quoi. Et qu'est-ce que je voulais dire sur les chiens? On a déjà fait des émissions à des arrêts de bus, je pense que c'était plus bruyant, quoi. C'est clair. Les chiens. Et c'est sympa, un chien? Bah, c'est le début, tu sais pas. Je sais pas, ouais, c'est un peu débile, là, c'est un bébé. Hein. Mais comment dire, bah, c'est beau, tu vois, il est beau. Tu sais, ah oui, c'est marrant. Avec oui, c'est marrant. Là, j'essaie de pas trop regarder, pour que, sinon elle va me... Ah ouais, c'est, ouais, c'est jouer avec sa queue, ouais, c'est débile. Ouais. Ah, c'est cool. Oui, souvent, elle essaie d'attraper sa queue. Ouais. Ah ouais. Et ça l'énerve, parce que c'est dur. Et je l'ai entendu grogner tout à l'heure, elle grogne fort. Hein. Ouais, ouais. C'est ouf. Hein. Mais elle grogne sur rien, tu vois. Là, c'est quand t'as joué avec les potes là. Ouais, ouais, je l'ai entendu, ouais, mais ah ouais, c'est. Enfin, bref, un chien, c'est marrant. Ouais, voilà, Mara, comme le révolutionnaire, tout le monde me dit ça. Tu connais le révolutionnaire? Non, je connais Sekou Mara, l'attaquant de Strasbourg qui vient de Bordeaux. Ah oui, que tu m'as envoyé. Ouais. Mais en fait, tout le monde me parle de Mara, le révolutionnaire 1789. C'est toi. Mais ce qui est cool, c'est que tu peux faire l'intello, tu vois, avec lui. Ouais, ouais, c'est ça, ouais. Soit tu peux faire, ouais, mais c'est pour le révolutionnaire, tout ça. Sinon, en fait... Assassiné dans sa baignoire. Et là, les vraies raisons. Ah, Mara, moi, je m'appelle Martin, ma copine Marine, et la chanteuse Mara... qui a fait la chanson Foufoune dans ta bouche. Je sais pas, et je trouvais ça joli. Et après, j'ai pas capté qu'il y avait quand même pas mal... Il y avait des gens dans mon entourage qui s'appelaient Mara, mais elle est pas proche de moi. Et j'ai sûrement rencontré d'autres personnes dans ma vie. Il y a des gens qui s'appellent Mara? Ouais, c'est un prénom, en fait. Ouais. Ah ouais? Ouais. Non, mais c'est bien. Et mais surtout... tu vois, c'est pas comme les gens, ils appellent, tu vois... je sais pas, je croise des gens, ils s'appellent Vasco. Enfin, c'est V, c'est les années des V pour les chiens. Bon, nous, tu vois, on s'en tape, quoi. Mais je suis toujours posé la question, pourquoi il y a les années DV? C'est pour dire... C'est pour les éleveurs, je crois. Ah, genre, c'est pour les pour éleveurs. Capter, tu vois, AV, ah ouais, c'est un 80, tu vois, ils savent, tu vois, c'est quelle année, du coup. Ouais, ouais, c'est un... Ah ouais, c'est un 2027. Okay, ouais, c'est sûr. Ok, ok, ok. Mm-hmm. Et genre, parfois, ils tombent sur Z. Bah ouais, forcément, ah ouais. Bah, l'année prochaine, c'est... Ouais, c'est... ça décale d'une lettre, quoi. Qu'une lettre? Ah ouais. Je crois, je t'en parle comme avec tout ce qu'on prépare. Ouais, ouais, bah, je vois, truqués, de toute façon, l'alphabet, c'est un peu chaud, quoi. Ouais. Après, c'est après V, c'est Z. VZ. VZ. DBZ. DBZ. Il n'y a pas de. Mafia des Z. Desiree. Desiree. Ou Douarnenez, comme tu veux. Mais tu vois, pour le prénom, moi je me rappelle quand j'avais mon chat qui s'appelait Grisou. DDG bah, c'est pas du tout, ouais, pareil. 92. Il m'avait donné un papier avec le plein de noms. Puis comme ça, je me rappelle, je l'avais lu dans les toilettes et je me suis dit, bon, c'est un tape. Je vais l'appeler Grisou. Pourquoi tu l'as eu où, ton chat? Je l'ai eu à la SPA ou un truc comme ça. Mais non, si. Moi, je savais pas l'histoire de Grisou. Ah ouais. T'as été chercher un endroit. Il était petit? Il était petit, ouais, il avait déjà 2-3 mois. Moi, c'est le début du sauvage, tu peux pas avoir un chat avant. Ouais, ouais, voilà. 2 mois. Enfin, les chiens, c'est 2 mois. Ouais, ouais, bon, je sais pas. Bon, il y avait toutes sortes. Et. Mais comme c'est un bel épisode sur les animaux, c'est beau. Non, mais ce chat, je lui ai donné le prénom Grisou, bah voilà, parce qu'il était gris et mon ancien chat, il s'appelait Gribouille. Voilà, tout simplement, parce que je l'ai eu à 11 ans. Mais après, j'ai voulu faire, tu sais, un peu l'intello, quoi, je me donnais un genre, où j'ai fait style, où je me racontais une histoire. Quoi, je faisais exprès, hein, je faisais un... Je disais aux gens, ouais, il s'appelle Grisou par rapport à mon grand-père qui était mineur, le coup de Grisou. Et je racontais ça, après je dis, mais non, je déconne, c'est parce qu'il est gris. Voilà. Et après, il est arrivé Griezmann, quoi. Exact, et oui, bah, il est mort peu de temps, hein, quand la finale... De l'Euro 2016, il est mort juste avant. Et donc Grisou, il était en feu. Là-haut. Lequel? Antoine. Ah, Antoine. Il était en feu à cet Euro-là. Et je me suis dit, putain, il y a un signe. C'est l'énergie de Grisou qui était dans. Exact. Je me suis dit, c'est réincarné, il a envoyé le truc. Blam, blam. Pas vraiment réincarné, mais plutôt. Fin... Laisse-moi faire mes films. Okay. J'étais en deuil. Ouais. Putain. Mais peut-être que Grisou, il y a eu un fils, tu vois, je sais pas. Bah, je sais pas, il avait déjà plus de couilles quand je l'ai rencontré. Donc... Non, je te parle d'Antoine, du coup. Il a 3 filles. Ah oui. 3 filles nées le même jour. Ah putain, c'est incroyable ça. C'est vrai, tu me l'as déjà dit ça. Ouais. Le 25 décembre. Déjà parlé, ouais. Non, en juin, je crois. Bon, on s'en fout. Quoi ? J'ai déjà fini ma canette quasiment. C'est horrible. C'est pas vrai. Je te jure. Elle est à 4 degrés. Tu pèses ? Non, ça va. Marseille ici. C'est une once, elle est. Non, ah, ouais. Tu vois, elle s'amuse bien. Non, on la regarde pas. Bah, je vais pas regarder, c'est toi qui la regardes. Ouais, c'est moi qui la regarde. Ah, moi, elle me voit pas mes yeux. Ah ouais, donc bah, c'est bien. Bah, Martin, t'as un chien. Ouais, et du coup, tu m'as même pas posé de questions sur Marat, mais tu peux pas en savoir plus. Marat, pardon, le révolutionnaire, on s'en fout, on développe pas. Oh, bah si, si, si, comme ça, ça donne non, un côté intelligent. Non, mais j'en sais pas beaucoup plus. Marat. Il a été assassiné dans sa baignoire, et c'est l'époque où il y a. C'est pas Olympe de Gouges. Il est argentin ? Bah, je sais pas. Ouais, c'est pas grand chose. Non, il est français. Ah ouais ? Ouais. Ça me dit quelque chose, mais je suis pas assez malin, je pense. Ouais, bah, il était connu. En fait, c'est connu par c'est un tableau qui est connu. D'un mec qui est en train de crever dans sa baignoire. Ah ouais ? Crève. Tu vois, ce chien, il va nous apporter. Il apporte déjà une culture, quoi, une ouverture au monde. C'est ça qui est beau. Mais les gens qui ont un chien, ils se disent ça. Ils disent ça me permet de rencontrer du monde, ça me permet d'amener dans des endroits où je serais pas allé. Mais en plus, on en parle dans l'épisode juste avant, là. Et oui, c'est on ça qui est drôle. Des gens et tout, c'est ça qui est drôle. Mais ouais, moi, je sais pas à ce moment-là que je vais avoir un chien, quoi. L'épisode juste avant, on regarde des gens avec leurs chiens, quoi. Ah ouais, déjà qu'il y avait les chiens. Et je suis dans ce truc-là. Comme quoi, des c'est gens écrit, de mon quartier, quoi. Ils me disent bonjour parce que j'ai un chien maintenant. Ouais, c'est sûr. Les gens, ils captent, ouais, comment elle va. Genre à Carrefour, ils sont tous, ah, ça va et tout. Alors que des gens, ils s'en tapent d'habitude de WAM. Et là, tout le monde est gentil, quoi. Mais surtout, elle est bébé, quoi. Et donc, les gens, ils aiment bien. Ouais. Mais c'est, les gens qui ont un bébé, c'est la même chose. Mon frère, il me racontait quand il y avait le bébé, les gens, ils sont comme ça. Oh, t'es mignon, tu sais, ils te sourient et ouais. Tout. Donc d'un coup, t'es quelqu'un, t'es quelque chose alors que t'as... Mmh. Bon, en gros, toi, t'as juste rien fait, quoi, en tant qu'homme, tu vois. Ah oui. Tu vois, t'as peut-être ta femme qui est au pieu éclatée. Ouais. Et toi, t'es dehors et dire, ouais, c'est... C'est WAM. C'est mon enfant. Ouais. Non, bon, bref. Oh, il est malade. Ça, ouais, je une petite toux, ouais. Mais c'est bien, je fume, du coup, ça m'aide beaucoup. Je vais peut-être mettre une veste aussi, j'ai eu chaud en arrivant. Voilà. Qu'est-ce que tu fais ? Martin est perdu. Il cherche sa veste. J'ai cru, en fait, ma chemise était coincée dans ma chaise et j'ai cru que c'était mon chien. Voilà. Le chien, il va avoir bon dos, tu vous allez voir. Ah, purée, en fait, bah, j'ai bu plein de bière. Et en fait, j'ai cru que c'était mon chien qui m'y servait et je pouvais pas lui dire non. Et en fait, parce que je suis où ? Monsieur, votre carte grise. Je suis gris. Grisou. Ouais. Bah, c'est bien. Bon. J'ai hâte que tu conduises et que tu dises ça à un flic. Je suis déjà fait contrer par un flic. Oui, mais tu lui as pas dit vous avez votre carte grise. Zou. T'as pas fait ça. Non, non, non. Alors que je trouve ça très drôle, quoi. C'était avec une voiture de location, donc j'avais même pas de carte grise. Ça, ah ouais, j'ai déjà raconté, bah, non. Comment ça, y a pas de carte grise dans les voitures de location? Bah, t'as des papiers qui disent que c'est une voiture de loc, donc t'as, ouais. T'as pas tout, quoi. Oh putain, elle a trouvé mon jean. Ouais, ouais. J'ai tout accroché mon linge vite fait, mais ça a pas suffi. Non, ouais, je pense qu'il faut que tu tout mettes dans ta... Donc comme ça, je vous raconte l'histoire du flic. Et le flic, il m'a posé... Je crois que j'en ai déjà parlé. Le flic m'a posé plein de questions, si j'avais bu, si j'avais fumé. Il m'a demandé tout ça. Quand il m'a posé la question si j'avais fumé, j'ai eu un petit blocage. Il a dû voir que j'avais un petit blocage. Et il dit, non, mais... moi, je lui ai raconté que les gens fument des joints sur les terrasses à Lille. Et donc, je dis, je vais peut-être inhaler comme ça. Et donc, il a réinsisté en me posant plein de questions. Jusqu'à un moment, il me dit, si je fais un test, là, vous êtes... Il n'avait pas du tout cette voix-là. Si je fais un test... vous allez être positif ? J'ai dit, non, je serai négatif. Et effectivement, en plus, j'ai regardé il n'y a pas longtemps, le test, si t'es un fumeur régulier, un gros fumeur, je crois que ça reste 8 jours dans les cheveux. Mais si t'es un fumeur occasionnel, c'est 24 heures, et sinon c'est 8 heures, ou je sais pas. Bon, j'ai regardé sur Internet. Je crois que ça reste longtemps, plus que 8 jours, non ? Ah non, il y a le test à l'hiver, et le test après, si t'es dedans, ils font le test S5, je crois. Bah là, c'était ça l'hiver. Mais là, j'ai regardé vite fait hier, en 2 secondes, sans cliquer sur un lien. C'est les premières infos Google. Bien sûr, j'ai pas creusé. Est-ce que tu veux... Parce que là, une thématique une thématique. Une petite thématique. C'est vrai que ça fait longtemps que tu nous as pas fait une thématique, j'ai l'impression. Ouais, bon, j'ai parlé basket la dernière fois. À chaque fois. Ah ouais, bah c'est la dernière blague. Alors, qu'est-ce qu'on peut avoir ? J'ai des petits thèmes, j'ai des grands thèmes. Tu veux plus des grand petits thème, thèmes. Grand thème, grand thème. Grand thème. Mais tu le connais un petit peu, ce grand thème. L'amour. Non. La vie. Exact, ça peut être un peu la vie. C'est ma voisine. Ma voisine. Marie-Thérèse. Marie-Noël. Je savais que c'était une bonne sœur, je me suis planté. C'est une bonne sœur, effectivement, que tu as déjà croisée en plus. Très gentille. Qui avait dit, c'est comment elle avait appelé Léna par son trois nom ? Trois syllabes. Ouais, voilà, trois syllabes. Oui. Votre compagne, c'est trois syllabes. Trois syllabes. Et en fait, elle est venue chez nous un soir, je crois qu'il était même 20h30, 20h45, on était en train de manger comme des gros sacs sur notre table basse, dans le salon. Et jogging et tout, hein, on est bien à la maison, quoi. On ne s'attend pas que quelqu'un arrive à 21h30, et encore moins la voisine. Mais c'est hyper tard, 21h30 pour une bonne sœur. Ouais, t'inquiète. Et elle arrive, et déjà on est en pige et tout, et qu'est-ce qu'elle nous dit ? Bah là, en plus, elle va avoir 90, elle a 87 ans. Elle n'est pas toute jeune. Et elle se déplace qu'en déambulateur. Là, elle ne l'avait pas. Et donc, cette dame, elle nous demande si... tu vois, les anciens, j'allais dire les vieux. Je te perturbe un peu à bouger tout le temps. J'arrête de bouger, pardon. Les personnes âgées, il y a de la télésurveillance. Tu vois, s'ils tombent... Il y a une alarme qui se met en route, une télé-alarme ou je sais pas quoi. Ça, je savais pas. Moi, j'étais pas au courant. Et en fait, elle a ça. Et elle demande... Genre, c'est un truc avec un niveau un peu, non ? Bah, c'est, en fait, elle le met autour de son cou. Et si elle reste trop longtemps dans la position allongée, alors qu'elle dort pas, et ben ça... Mais comment elle peut savoir qu'elle fait pas une sieste, la machine ? Je sais pas, peut-être qu'elle a appuyé sur un bouton avant, j'en sais rien. Bah non, ça doit déclencher automatiquement. Je vais pas demander dans le détail. Mais ça, c'est bien une affaire, bon, il est troqué. T'es pas avoir regardé même les temps. Ouais, puis surtout, il était 21h30. Non, là, elle était juste venue pour nous demander si on pouvait, si elle voulait bien qu'on mette notre nom, comme on est voisins et qu'on s'est déjà croisés. Elle nous a vu qu'on était des... Parce qu'elle a pas de famille. Des gens bien. Bah... Tu m'as dit qu'elle avait vécu en Amérique du Sud, non ? Tu spoiles tout, Martin. Putain. Ah bah vas-y, raconte l'histoire. Allez, ciao. Bah alors, Marie-Noël... Et donc... T'as cassé ton micro ? Non, je n'ai pas cassé. Et alors... Bon, bref, elle nous demande si elle peut mettre nos numéros, s'il y a un blème. Donc, on a dit oui, parce qu'en fait, nous, ça nous coûte quoi ? S'ils nous appellent, si on est chez nous, bah, on a juste à taper à côté pour voir s'il y a un blème. Le seul truc hardcore, c'est si elle s'est pété la gueule et là, qu'il y a du sang partout, on va faire... On n'est pas bien. On sera au choc-bar. Bof. C'est pas... C'est pas cool. C'est pas cool. Non. C'est pas cool. Mais on lui souhaite pas, tu vois, on lui souhaite pas de chute. Non, non, mais en plus, elle est accrochée à son déambulateur comme elle le fait, il va rien lui arriver. Elle marche comme elle une est... ouf. Ouais, c'est cross. Et donc, elle a bien voulu, elle a rempli ses petits papiers, on lui a aidé à la remplir. Il y a pas que nous, il y a le gardien aussi, puis encore une autre personne, tu vois. Ah, je croyais que c'était vous les... Ok, non, c'est non, bien. Ouais, ouais. On partage le blême à plusieurs. Et donc, pour nous remercier, elle nous a proposé de manger ensemble. Donc on a mangé un midi ensemble. Donc là, elle a raconté sa vie, effectivement, qu'elle a 87 ans, qu'elle a vécu 35 ans en Amérique latine. Ah bon ? Ouais. Je savais pas. Tu savais pas ? Et En Argentine ? En Argentine, ouais. Et Bolivie ? Ouais, je sais plus. Il y avait deux pays. Uruguay ? Ouais, j'en sais rien, je me rappelle plus. J'écoutais pas tout, parce qu'il y a des choses, je captais pas tout. Quoi, j'étais dans la lune et... Bah, il était quelle heure ? Ah non, là, c'était le midi, là. Ouais. Là, on était à midi. Ouais, j'avais un peu la flemme, tu vois, je t'avoue. Mais je sais pas, elle s'exprime bien ou... Ouais, bah... Bah, elle raconte beaucoup d'histoires, tu sais, de personnes que tu connais pas, donc parfois, tu perds le fil, quoi. Ton attention, elle peut... Ouais. Puis souvent, ça finissait en disant... elle est mort. C'est bon, à 87 ans, bah, elle en a vu des gens tomber, quoi. Ouais, mais elle a l'air en forme, hein, quand même. Ouais, ouais, elle est plutôt sympa. On n'est pas allé sur la politique parce que ça m'aurait fait peur. Je sais pas, tu vois, j'ai des cathos là en Amérique latine. Souvent, je me dis, oh. Mmh. Ils ont été faits du prosélytisme. Je sais pas, ouais. Mais elle avait l'air un peu, tu vois, une bonne sœur à paradis. Non, en plus, il y a des mauvaises histoires là-bas. Hein. Ouais, t'as raison. Elle... Tu sais, avec les gens qui étaient sur place et qui se sont fait massacrer un peu, quoi. Bah ouais, je sais pas, ça me fait toujours peur. C'est pas très jojo ce qui s'est passé là-bas, quoi, non plus. on va pas tout refaire. Le papa actuel, il est argentin, il est pas non plus, c'est pas le mec le plus moderne du monde. Je sais pas si un pape ça peut être moderne. Non, tout à fait, t'as raison. Benoît XVI. Non, il était pas. Jean-Paul II. Non, c'était. Non mais je rigole, je connais même pas comment il s'appelle le dernier. François IV. François. Thierry. C'est François. Ouais. Thierry 1. Non, c'est François. C'est vrai. Deux. Pas François, bah peut-être premier. Deux, je sais pas. Ouais, vraiment, ça nous intéresse pas. Non. Mais elle était. Mais j'ai déjà fait ça. Pardon. Pardon. Non, j'ai déjà fait accueillir un pape dans une ville où j'étais, à Valence, en Espagne à l'époque. Et c'était Jean-Paul II, je crois, en plus. T'as vu le pape? Bah non, mais moi je donnais des flys, tu sais, aux pèlerins. En fait, c'est comme si. Je sais pas si tu connais ce truc. J'ai fini ton histoire, peut-être, non? J'allais dire quoi? Bah, j'allais dire que c'était une personne un peu à part, tu vois, parce que normalement, elle doit vivre avec les autres bonnes sœurs. Elle Est-ce veut que pas... ça t'ennuie si je vais rechercher mon chien? Non, vas-y. Je suis désolé pour cette émission, je laisse beaucoup François... Pierre-François. Pagayer. Pierrot. J'ai dit quoi? François. J'ai dit, bah le pape quoi, excuse-moi, tu vois, on peut se tromper. Le pape n'attend pas. Allez, va chercher ton chien et comme ça tu m'écoutes en même temps. Et donc... Parce que j'aime beaucoup mon chien. Oui. Gros gaga. Gros bébé gaga. Et donc, qu'est-ce que je vous disais? Le... Oh, je sais plus. J'ai oublié. Enfin, bref. Cette dame, oui, voilà, elle vit pas avec les autres bonnes sœurs. Elle fait un peu tout à part. Tu vois, déjà, son corps, elle veut le donner à la science. Alors qu'ils aiment pas trop ça. Et... Putain, elle a donné trop de détails, quoi. Et ouais, ouais. Et puis, ce qui est marrant à la fin, c'est que... Si elle te mord, tu me dis? Oui, oui. La bonne sœur ou le ou Mara? Elle t'a mordu? Non. Sinon, je l'ignore, moi. La bonne sœur, hein? Non, plus, bah, ah, bah, la bonne sœur, elle n'a plus de dents en haut, je crois. Elle a plus de dents. Ouais. Bah, c'est à 85 ans, si t'as toutes tes dents, mon gars. Mais je crois qu'elle en a même plus. Bah non, elle a plus de dents, c'est ouais, sûr. Ouais, mais elle les a même pas changées, elle a même pas mis le dentier, elle a mis que le bas. Mais tu le vois pas, quoi. Peut-être qu'elle avait 50% et qu'elle a pris juste les 50%. Bah, le 50%, c'est marrant, elle a dit 50% mes dents, elles sont argentines, 50% elles sont de l'autre côté. Elles sont françaises. Mais qu'elle a changé en cours de route. Mais il manque des dents, tu viens de dire. Bah là, c'est parce que, je sais pas, elle a la flemme, t'as 87 ans. Mais l'articulation, ça doit être bof, quoi. Bah c'est peut-être pour ça que j'entendais pas tout. T'as déjà vu quelqu'un qui se pète une dent? Direct, ça change un visage, quoi. Ah ouais, ouais, ouais. Et qu'est-ce que je voulais dire encore? Cette bonne sœur. Bon, voilà. Ah oui, à la fin, Léna voulait payer. Parce qu'elle s'est dit, ah non, on va pas la laisser payer. Voilà. Moi, dans la tête, je me suis dit, c'est elle qui nous invite. Puis les gens, quand ils nous invitent, bah, ils ont envie de payer. Tu vois, tu leur dis, vas-y, paye. Ouais, et puis elle a sûrement pillé l'Argentine. Non, je déconne. Non, mais ça me choque pas, tu vois. Mais c'est vrai que bon, tu te dis, bon, on va pas faire payer la petite vieille. Ça fait un peu ça, tu vois. Bref, elle insiste. Et à la fin, elle dit, mon patron, c'est le bon Dieu. Oh. Du coup, c'est lui qui régale. Et l'église, elle a de l'argent. Donc, je peux te dire que Dieu m'a payé un resto. Wow! Pam, pam, pam. Et t'as pris de l'alcool ou pas? Non, j'ai pris un poch. Ah, j'ai pris une bière. Une bière. Dieu t'a payé de l'alcool? Une masse, ouais. J'aurais dû prendre. Du vin? Ouais. L'histoire, c'est un peu l'eau ça. Du Christ, quoi. Le pain, du pain et du vin. Ouais. Il y avait du pain. J'en et du jeu, des pain. Jeux? Enfin, c'est pas lui, ça. C'est pas lui, ça. Donc, voilà, la bonne sœur, très sympa. Génial. Et c'est marrant, elle va à la maison de retraite tout le temps pour parler avec les gens, tu vois, elle est très sociale. Et, quelle maison de retraite? À côté, près de chez toi? Ouais. Ah, je vois pas où aller. Elle est, tu sais, dans la rue, ça monte en diagonale, ouais, bref. 19e Paris. Ouais, exact. Ouais, je vois. À côté de la butte Montmartre. Ouais, Chaumont. Chaumont. Et et en fait, parfois il y a des vieux qui veulent s'enfuir de la maison de retraite. Mais non. Bah ouais, ils sont un peu séniles. Ouais, voilà. Ouais. Et là, genre Alzheimer, quoi. Exact. Où ils sont. Ouais, je rentre chez moi. Voilà, ouais. ils ont la démence, quoi. Des tocs. Et là, elle part avec son déambulateur. Donc en plus, elle fait bien vieux. Vieille. Et il y a quelqu'un, on leur a dit, s'il y a quelqu'un qui s'enfuit, s'il y a quelqu'un, un vieux qui part, vous lui dites non. Et il y en a un qui a fait non, non, non. Vous partez pas. À elle? Ah ouais, ouais. Puis elle a fait bah non, mais si, tout ça. Et enfin, je m'en fous, non, je m'en moque, vous restez. Donc ils ont dû aller voir un médecin qui a dit si, c'est bon, elle peut partir. Ah oh, putain. Et elle a été les voir aussi une amie à elle, qui était en gros en psychiatrie. Et psychiatrie, pareil, ils ont pas voulu la faire partir. Ah oh, putain. Et du coup, elle dit mais non, mais moi, je suis une visiteuse. Et pour la faire partir, ils lui ont dit ok, quel jour on est? Non, elle débarre. Voilà. Elle pourrait se tromper. Mais grave, tu peux moi, te tromper. Moi, je le sais pas, des fois. Tu sais, quand t'es en vacances depuis deux ans. Moi, je crois que ça fait trois heures je crois qu'on est vendredi, tu vois. Ah ouais, bah c'est bien, c'est un beau jour. Après, beaucoup de déceptions. Un an. Ouais, c'est ça. Un an. Ah, pourquoi je me suis pris une tôle, tu vois. On n'est pas vendredi. Oh non. Donc voilà, Marie-Noël, vous avez son histoire. C'était son histoire, ouais, Marie-Noël. Ouais. Et du coup, moi, c'est quand j'habitais à Valence, donc le pape Jean-Paul II est venu, je crois que c'est lui, 2006. Ouais, c'est possible. C'est ça, hein. Ouais. Et du coup, t'as tous les pèlerins du monde entier qui viennent dans la ville, tu vois. Mais moi, à l'époque, je donnais des flyers. Je sais pas, c'est un peu un petit boulot, je cherchais un petit boulot. Et c'était marrant, quoi, de voir... tous les pèlerins, tous les fanatiques, je sais pas, il y a 1 million de personnes, 2 millions de personnes qui viennent dans une ville en plus, quoi. Tout est blindé, tout est fan de Jésus, c'est incroyable, quoi. Ah, ils en parlent dans les médias, ouais. Et tout. Et moi, j'ai des flyers genre en forme d'éventail, avec des menus du pèlerin, tu vois, menu del pellegrino. C'était pas payant, c'était juste tu donnes. Ouais, je donnais. Mais c'était pour que les gens, ils achètent le menu, c'est un business, en fait. Tout ça, c'est des... T'imagines, t'es 1 million de personnes, t'as un snack, tu vas faire... Bah ouais, mais comment ils se financent? Ils bossent pas, hein? Qui? Bah l'église, tout ça. Faut que la thune, elle rentre, hein? Mais c'est pas l'église qui récupérait les sous, c'était les... Ah ouais? Ouais, les snacks et tout. T'imagines, tu vends des sandwichs. Ouais, moi je donnais des flyers pour les snacks. Ah. Genre j'avais quoi, le tacos de Dieu? Ouais, c'est sûr. Menu pèlerin, par exemple. Tu vois, genre t'avais un soda, je sais pas, un sandwich, et... grâce à ce fly, tu vois. Purée. Mais j'aimais bien parce que ça me faisait parler toutes les langues du monde, quoi. Il y avait des gens du monde entier, quoi. C'est ça qui est drôle, quoi. On dirait une chanson d'Henri Dess. Toutes les langues. Moi, je donne une et bien du monde entier. Et ben, chanter cette chanson, ouais. Ouais. Que j'avais inventé. Je suis polyglotte. Mot qui vient du grec ancien. Pareil, j'ai du mal à la chanter dans ce truc. Oh putain, mais comment elle fait pour tout choper? Mais je te le dis pas, mais c'est le dawa là-bas. Mais je te le dis pas. Non, mais je mets tout en hauteur, hein, au fur et à mesure. Désolé, je vais encore mettre un plaid maintenant. Allez, c'est pas un plaid, c'est une serviette. Ça, c'est un plaid. Ah ouais, on dirait trop une serviette, en fait. Puis il peut le relaver, quoi. C'est ouf. Moi, en fait, lui, il tourne le dos à la cour où le chien prend tout. Et moi, je lui dis pas, parce que sinon, ça coupe tout le temps. Donc là... Et on l'ignore. Voilà. J'ai fait un aparté avec les auditeurs. Ouais, c'était quoi? Bah, je vais pas te le dire, t'écouteras l'émission. Ah, trop bien. Je vous écoute jamais, en plus. C'est pas vrai. Non, c'est pas vrai, j'écoute tout le temps. Parce qu'on se contrôle. Il y a une qualité contrôle. Mais d'ailleurs, l'épisode 27, il est en ligne ou pas? Non, c'est ce que je disais tout à l'heure. Il y a un bug technique avec un site. Le site, sinon, voilà, ça serait déjà en ligne. Il est prêt, il est monté. Hein. Non, mais c'est cool. Hein. Les gens vont avoir 3 épisodes d'affilée. Pow, pow, pow, pow. On attend toujours l'illustration de l'épisode 26. Voilà. Si tu nous écoutes, Ben. Plus s'il nous écoute pas. Plaisante. Je pense qu'il y a plein de gens qui ne nous écoutaient pas et qui nous écoutent aujourd'hui. Ah ouais? Ouais. Eh ben, bienvenue. Bienvenue. Bienvenue, tout le monde en parle. Tout le monde en parle. Alors, tu sais, c'est trompeux. Oh là là, c'était ça le sujet. Ouais, il y avait ça, il disait ça. Putain, j'ai pas préparé. Ah ouais, putain, c'est. Il disait quoi, c'était question. C'est notre époque, hein. Si vous avez pas repéré, je m'y tardissons. Ouais, les années 80, les premières émissions, les talk shows. Donc voilà, est-ce que t'as un lunettes petit noires, thème, Martin? Lunettes noires. Et bah attends, j'ai pas. Bah, j'ai bien préparé l'émission. Et je vais vous dire un thème. Petit thème ou grand thème? Là, petit j'essaie thème. De du temps. Aucune idée. Petit thème ou grand thème? Petit thème. Mais en plus, j'adore, c'est que je regarde ce que je note et c'est toujours très très mal noté, mes annotations. C'est-à-dire que tu comprends pas ce que t'as voulu dire? Si, mais vraiment, je développe pas, quoi. Du coup, j'ai un thème à développer en 3 mots ou en 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ou en une phrase ou un mot? Ou 3 mots? Attends. C'est 2 sujets, 2 thèmes. 3 mots, le challenge, 3 mots. 3 mots. Pouf, j'ai écrit, je suis gaucher. T'es gaucher? C'est parti, ouais, je suis gaucher. T'écris de la main gauche? Ouais, j'écris de la main gauche. Et c'est une fierté, hein, parce que, je sais pas, c'est cool en fait. J'ai toujours très mal écrit, interdit de stylo plume, j'écris très mal, mais apparemment les gauchers, on est les plus rapides. Parce qu'il y a l'axe du cerveau et de ta main gauche, elle est liée. On gagne à quoi? Bah, au geste, par exemple, au tennis, Nadal est gaucher, par exemple. Les plus grands sportifs sont gauchers. Ah, ok. Ouais, il y a une sorte de corporation des gauchers, quoi. Ouais, ouais, mais on est fort, en fait. On gagne tout, quoi. Ouais, c'est pareil que c'est des artistes. Ouais. Ah, ouais. Ils sont hyper rapides, en fait. Du pied aussi, t'es gaucher? Ouais. Mais je... Attends. C'est toujours un peu complexe, le pied. Mais je serai gaucher, ouais. Mais j'ai l'impression que je centre du gauche, mais des fois j'ai envie de tirer du droit, mais je suis gaucher. Non, je savais même pas que t'étais gaucher. C'est vrai ? Bah voilà, tu vois, c'est pas un sujet anodin. Hein. Non, oui, Bah déjà, on se voit rarement écrire. Bah on n'a pas été sur les mêmes bancs, ouais, c'est vrai. Enfin, ah ouais. Si, sur les mêmes bancs, mais pas dès l'école, quoi. Non, mais tu vois jamais, tu vois, quelqu'un écrire. On n'écrit plus, quoi. Mais mon micro, je le tiens de quelle main ? Gauche, ouais, effectivement. Mais moi aussi. Ah ouais. Mais. Incroyable. Non, mais tu vois, je repensais aujourd'hui à l'école. Pourquoi j'y repensais ? Parce que à la fac, tout le monde a un PC maintenant. Tu vas dans un amphi de fac, ils ont tous un PC, ils prennent des notes. C'est vrai. Mais okay. À l'école, t'es encore au stylo, quoi. Ouais. Et je pense que ça se trouve, c'est un des derniers endroits où t'es encore un stylo en réunion. Ouais, moi je suis. Maintenant, ils ont tous un PC. Non ! Ils ont tous un PC aussi. Moi au boulot, j'ai encore un agenda papier, je prends tous mes notes à papier, enfin je suis tout le temps papier quoi. Ouais bah moi j'ai un truc qui s'appelle OneNote sur le PC et je prends mes notes là-dessus quoi, qui est comme un cahier. Parce qu'en fait je relis pas mes notes, j'arrive pas à me relire. Ah oui. Je fais des petits dessins, j'ai un cahier pour faire des dessins ou noter, faire ça vite zef, tu vois, une to-do list. Mais OneNote c'est quoi, c'est un clavier? C'est une espèce de page blanche avec un truc, avec des classeurs que tu ranges, oui c'est un... Ah ouais. C'est la même chose qu'un gros cahier mieux fait quoi. Et donc, t'es gaucher. Et du coup, ma grand-mère, par exemple, elle était gauchère. Ma grand-mère, c'est de notre époque. Du coup, ils l'ont contrarié. Ah oui, ils l'ont forcé à être le diable. Hein. Et du coup, ils l'ont contrarié, ils l'ont tapé sa main. Et du coup, elle n'a jamais su sa gauche et sa droite. Ça l'a hyper perturbé dans son... dans la vie, en fait. Quand on te contrarie gauche-droite, bah après, t'es un peu paumé, quoi. Du coup, ah t'es... ouais. Elle était pas forte en gauche et droite, par exemple. Bah... C'est comme ça qu'il y a plein de gens qui ont voté Macron, quoi. Putain, c'est gauche ou droite, droite. Ouais, ouais, bah c'était contrarié, en fait. Ouais. Pas content. Ah ouais, t'es gaucher. Bah et tu vois, on m'aurait posé la question, Martin, il est gaucher. J'aurais fait, j'en sais rien. Pierrot m'a retourné mon téléphone. Tu sais qui c'est, quel groupe qui écrit là ? Oui, en fait, je retourne pour les téléphones pour pas qu'on soit perturbé. Parce que voilà. Là, on est le vendredi, heure de l'apéro, heure des diables. Voilà. Alors. Mais il y a un groupe WhatsApp qui insiste. Mais j'ai eu des appels déjà. Ouais. Ouais. Mais on travaille. Là, ouais, on travaille. C'est clair. Tu vas y aller ? Ben là, j'ai repéré un bar où je veux aller. Ah oui. Mais en plus, c'est là où j'ai bossé, moi, je disais ça avec quand j'étais charpentier. Mais non, c'est pas celui-là. Ah, c'est quoi ça ? C'est toujours pas ouvert ça ? Si, c'est ouvert. C'est ouvert. Okay. Si, une auberge de jeunesse, bar. Le Jost. Ah ok. Hostel. Je croyais que c'était ça, moi, du coup, parce que en fait, ce que t'as envoyé, il était écrit refuge, saloon, je sais pas quoi. Ah ouais. Ouais. Non, c'est s'appelle Nactilope. Non. Nictalope. Nictalope, qui ouais. Veut dire voir dans la nuit. Hein. Voilà. Pas d'insulte. Mais c'est vrai que quand on dit Nictalope dans la rue à quelqu'un fort, ouais. On se dit wow. Quoi a... Ouais. Quoi? Quoi, Nictalope? Non, j'ai dit que t'étais gaucher. C'est putain gaucher. C'est mal vu dans plein de pays, hein, pour y revenir quand même. Bref. Au foot, c'est bien vu. Au foot, on veut des gauchers, ouais. Ouais, les arras ou gauchers. Ah oui, mais tu vois, regarde, quelqu'un qui aime pas le foot, il se dit, il y a des gars qui savent si le joueur est gaucher ou droitier. Et surtout qu'il y a peu de gauchers, donc il y en a moins. Il y en a moins. Mais tu vois, tu te dis le truc, ou tu vois, tu dis, ah non, mais lui, il est ambidex. Ryan Cherki, ambidex. Bah moi, j'essaie de travailler mon ambidextrie. Pourquoi t'écris de la main droite? Plutôt sur en charpente. J'ai tout de suite appris à taper au marteau gauche-droite. Visseuse gauche-droite. En fait, comme c'est un métier physique et que je me faisais mal deux fois à ma main gauche, enfin, tu vois, à l'usure, quand j'ai appris le métier, bah, je me suis dit, vas-y, bah, apprends tout de suite à faire tout, main gauche et main ou main droite, peu importe. Et du coup, mes tâches, je les exécutais main gauche, main droite, peu importe. Mais avant, les scies, à la scie, tout, circulaire, tout. Ah ouais ? Tous les outils, je les fais main gauche, main droite, peu importe. Et surtout, quand t'es dans des positions de merde, bah, t'es content de faire tes mains. Ouais. Et les outils, quand tu les achètes, souvent, ils sont faits pour des droitiers, non ? Tous. Ouais. Mais en fait, il y en a pour les gauchers. Mais moi, du coup, j'ai travaillé qu'avec des outils de droitier. Ouais. Mais tu vois, c'est là où le gaucher, il est plus fort. Si. Parce qu'il sait faire de la gauche. Mais j'ai pas dit le contraire. Mais on lui a tout montré de la droite. Et du coup, il sait faire des deux. Ils sont presque tous ambidextres. Sur beaucoup de choses. Ah ouais. Je me la raconte. Hein. Non, c'est marrant, cette fierté d'être gaucher. Bah, en fait, je pense à ma grand-mère qu'on lui a mis la misère, tu vois. Non, mais vous êtes bizarre, quoi. Non. C'est pas grave, quoi. Mais t'imagines, je sais pas, c'est C'est la main dans des relations pour se torcher le cul, je crois, la main gauche, tu vois. Oui, la, oui, oui. Les gens ne touchent pas la main droite pour se torcher le cul. Tu dis pas bonjour avec la main gauche, ouais. Oui, parce que c'est avec celle-là que tu t'essuies le cul. Ouais, parce que tu utilises de l'eau et tes mains pour essuyer, quoi. Exact. Et c'est la main du diable, quoi, je ah pense. Bon ouais, je pense. Bon, c'est la main qui pue la merde, quoi, mais bon. Ouais, pourquoi pas. Le diable, ça se trouve, il met du brut de Fabergé. Fabergé, en plus, ça fait vraiment chétane encore plus. Hein. Ouais. Brut de Fabergé, t'en as déjà mis? Non, j'ai déjà entendu. C'est vraiment un déo, c'est l'enfer, quoi. C'est un truc vert, non? Ouais. Ça pue? Ouais. Bah, c'est tous les déos que tu mets quand t'es au collège, par exemple, tu vois, des premiers musk. Tu vois, c'est à base de glandes de blaireau, là. C'est vrai, je crois. Le musk, le musc, c'est des glandes d'animal. Moi, j'avais acheté de l'Axe à l'époque. C'est le déo. Oui, moi aussi, j'avais Axe, Musk. Vraiment, j'avais celui-là, quoi. Et oui, c'est une odeur, mais infernale, quoi. Mais genre, c'est l'odeur, genre, des mâle alpha, tu vois, un peu vraiment, genre mascu, quoi. Genre, waouh. Et en fait, ça sent vraiment pas bon, quoi. Oui, ça pue. Ça pue de ouf, ça quoi. Pue. Fort. Et tu mets ça. Bah, t'es ado, fou, hein. Quoi. Ouais, t'es ado. Et après, t'avais des Axe Shower Gel. Tu vois, genre énergisant, fluo, là. Tu sais, il y avait toute une gamme un peu pour se laver. Ah oui, un peu gel. Pareil, ouais, bonhomme aussi, pareil. Ah ouais. Genre. Et puis après, si t'avais pétrolade en plus douche, pour les cheveux. Douche. Ouais, ouais, gel douche. Ah oui, oui, oui. Toute une gamme de bonhomme, quoi. Mais ça existe encore. Oui, mais je pense que ça en vend moins. Comme aujourd'hui, on est une société. Non, si on est une société masculine, mais peut-être moins. Martin. Moins patriarcale, quoi. On arrive bientôt à la fin de cette émission. C'est vrai. Putain, j'ai fait un thème, ça m'est jamais arrivé, quoi. Ouais, il y a eu un chien qui a pris un peu de place. Ah ouais, et toutes mes excuses, mais on... De toute façon, il va revenir, hein. Ça va être un fil rouge, hein, parce qu'on va demander les évolutions de la vie de Marin. Hein. Ok, elle est à 4 kilos, 4 kilos. Ça. J'ai déjà ramassé son pipi, hein, si vous voulez tout savoir. Merci Pierrot. Et attends, j'ai une question. Non, j'ai une proposition. On va avoir une proposition culturelle, un conseil culturel commun. Ok. Un film qu'on a vu tous les deux. Ok. Au cinéma. Un documentaire. Docu-fiction. Non, documentaire, ouais. C'est un documentaire, ouais. Ça très bien monté, par contre. River. Boom. Boom. Qui est une rivière en Afghanistan. Donc, on vous le conseille fortement. Moi, pourquoi je vous le conseille? Parce que je trouve que c'est vraiment feel good. Ouais. C'est putain de feel good. Ouais, ouais, c'est vraiment un gars qui arrive dans une histoire pas croyable avec des gars incroyables, quoi. Enfin, il est fou, quoi. Son pote journaliste, là, il est incroyable, quoi. Ouais. C'est comme si un jour tu te lèves, on te dit vas-y viens, on va faire un truc de ouf, et tu dis ouais parce qu'à ce moment-là t'as rien à faire dans ta vie et que t'as eu un gros truc dans ta vie aussi. Ouais. Sans rien dire. Non, là on a réussi à rien spoiler quasiment. Mais en tout cas c'est vraiment très très chouette. C'est un docu qui se passe dans l'après 11 septembre, mais vraiment quand on dit après c'est un an après, même quelques mois après, où ils vont en Afghanistan. Ouais. Et ils font un road trip. Voilà. Exact. Et c'est assez fou. Ça se regarde tout seul, ça va très vite. Le montage, il est incroyable. Donc, on vous le conseille fortement. Quand l'épisode sera sorti, ça sera plus au cinéma, mais bon. Oui, mais vous pourrez le trouver quand même, je pense. Exact, exact. Sinon, vous nous appelez. Voilà. Et au bout de deux likes, on vous l'envoie. Alors, pareil, si on va plutôt que deux likes, on va demander encore 4 followers. 4 followers, exact. 4 followers, et on balance le lien de téléchargement de Riverboom. Exact. C'est simple, en fait. C'est simple. Vous parlez à une personne de votre entourage, vu que vous êtes 4 auditeurs. Et voilà. A priori, ça va aller vite. Hein. Exact. Car on est à 125 personnes qui suivent notre compte Instagram. Combien? 125. Putain, c'est bien. 125 000. 125 000, bah oui, on parle qu'en cas, nous. Oui, on parle qu'en cas, bien sûr. En milliers. Bah sinon, en fait, on ne gagnerait pas notre argent en faisant cette émission. Exact. Et on est sponsorisé par... Noiseré, la pâte à tartiner avec 20% de noisettes et des petits écureuils morts dedans. Ainsi que la Triperia Polini Firenze. Et en tout cas, on remercie la brasserie Nano L'Ermitage de nous avoir accompagnés pendant toute cette émission. C'était adorable, merci L'Ermitage. On finit par quelle musique, Martin? Eh bien, nous allons vous proposer un retour en arrière musical. J'ai pu réécouter un album de The Cure. Et la chanson, donc c'est avant les Cure que vous connaissez vraiment dans leur... vous connaissez un peu l'esthétique de The Cure, et donc c'est avant ça, quoi. C'est un peu plus punchy, c'est un peu moins mélancolique. Il y a encore moins de... Tu vois, il y a des yeux moins noirs, moins de maquillage. Et j'ai oublié le titre, je te l'ai dit tout à l'heure. Primary, voilà. Et ça, c'est vraiment avant The Cure que tout le monde connaît, quoi. Avant The Forest, avant tout ça. Et ça pète sa race, quoi. Voilà. Et ben on écoute ça. Let's go. Allez, à bientôt. À la semaine prochaine.